Je l'ai revu par hasard quelques années plus tard, Havana allait savoir, la chance nous conduit, nous nous sommes regardés, le temps avait glissé, elle n'avait pas changé, et nous avons souri au café de la mairie. Assis à la terrasse, j'ai commandé un demi. Elle a pris une glace. On ne se disait rien. Ses yeux au fond des miens. Elle a dit tu vas bien. Pour rompre le silence. Elle venait ici, chez son petit ami, quelques jours, quelques nuits, elle était en vacances, moi j'étais installé, je vivais près d'ici, j'allais me marier, j'ai fini mon demi. Fallait se quitter, l'amour était passé, était enfui la fièvre, à chacun son destin, il y a tant de chemins, je lui ai pris la main, et j'ai baisé ses lèvres, chacun de son côté. A repris la route, elle s'est pas retournée, un peu triste sans doute. Pense maintenant, il s'est passé 30 ans, j'ai des petits enfants, des douleurs de l'arthrose. Quelquefois dans la nuit, avec mélancolie, je repense à nos nuits, et puis à autre chose. Da da da.